fous les copains de Marseille là. Eh les Marseillais. Les Marseillais, vous êtes où? Est-ce que c'est un regroupement de chorales? Donc il y a Marseille, il y a Perpignan, il y a le Bretz, il y a le Londres, il y a plein de chorales. C'est des chorales de lutte qui se réunissent là aujourd'hui? Oui, depuis hier au soir, ils sont là et on est à peu près une centaine. Quoi, voilà. Et ils changent de ville Cette année on reçoit. Voilà, c'est Rouen qui reçoit, mais on peut aller à droite à gauche. Et toujours dans les rues, et toujours en manif. Voilà. Toi, t'en fais partie? Ah ben évidemment. Michel, donc. Voilà. Okay. Stop.